Une communication vibratoire peut se servir de mots substants matériels, pour bien qu'on communique avec des mots quand on parle. Mais c'est pas dans la forme, c'est dans l'énergie. Pardon? Vous n'êtes pas assez avancé sur le plan vibratoire pour communiquer par télépathie. Quand vous aurez les concepts, ce sera par télépathie. En attendant, ce sera par les mots. Si vous vous accrochez pas aux mots, vous vous restez dans la vibration. Voilà, c'est pas un problème. Ok, on va en détruire une autre part. Vous allez comprendre un jour que quand vous rencontrez une personne et que vous percevez des vibrations, vous les percevez au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire est un centre d'énergie émotive. Le centre d'énergie émotive, il n'y a aucune intelligence. Il y a seulement de la perception. C'est connecté à la trace. Fait quand vous tirez un supramental, que tu rencontres n'importe qui, tu sens jamais rien. Tu sens rien. C'est jamais. Ce que les gens considèrent, là, l'empathie, là, la sympathie, l'empathie, comment ça s'appelle ça, sympathie, whatever, c'est tout de l'astral. Parce que quand tu es conscient, quand tu es dans la lumière, que tu rencontres n'importe quel âme, communique avec. Moi, si elle a voulu que je fonctionne au niveau de la sympathie quand on s'est rencontré puis que j'étais donné le choc dans le séminaire, je te jure que j'aurais dit lui, je veux plus le voir. Comment ça? Parce que ça a fonctionné au niveau d'un sentiment quelconque. J'aurais dit, je veux plus le voir ce gars-là. Il m'engueule, il me traite comme du poisson pourri. Il veut renverser les chaises puis les tables dans le séminaire. Comment ça veut dire? C'est ça de la strate. Moi, quand j'ai rencontré Croteau pour la première fois, qu'il s'en venait me checker dans les conférences. J'ai rencontré Croteau, puis final, il y a un mur, il sait pas commencer à sentir si Croteau me check ou s'il me check pas. Si tu m'aimes ou s'il m'aime pas. J'ai parlé à Croteau, puis Croteau m'a parlé, puis ça s'arrête là. Mais c'est notre astralité qui nous fait sentir. Il y a des gens qui me voient, ils voient des autres. Ils disent, ça va être donc. Hé, il faudra que je voie les lumières de tout le monde, puis les auras de tout le monde, il faudra que je ne sois pas de lunettes de soleil. Sois content. Le pire, c'est que tu sois content de ça. Sois content de ça. Bon, ben, la neutralité, c'est quoi? C'est supramental. C'est ça. Quand t'es bien dans ta peau, tu rencontres n'importe qui, que ce soit un criminel ou un prêtre ou un pape, la même chose. La même affaire. Non, on sent. Lui, je l'aime parce qu'il est peint, l'autre, je l'aime pas parce qu'il est pas peint. L'autre, il crie trop fort. On a tous, on sent. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on va aller? Les doux vont aller avec les doux. Les doux ne veulent pas être avec les rats. Ça veut dire ça bien. Puis les rats, mais ils ne veulent rien savoir avec les doux. Fait que les doux sont des morts, puis les rats de l'autre. Le sel, c'est le poil. Il y en a des rats, c'est lui, c'est un rat. Lui, c'est un rat, maman, c'est pas un rat. Lui, c'est un rat. Croto, c'est un rat, machin chouette là-bas. Daniel Ménard, c'est un rat. Lui, c'est un doux. C'est rat. Mais c'est la même chose. Là, vous parlez avec les doux, les fins, écoute. Ménard, là, on ne va pas voir Ménard, puis Croto, puis l'autre, si vous êtes dans un nœud, dans un sens des chaises, un pinaire. Non, c'est pas de même que ça marche. L'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est le mien et ça vient. Faut que tu rencontres les hommes, tous les hommes. Mais il faut qu'il y ait de le mien, par exemple. Parce que